Yeah. l'histoire de mon père, qu'il a beaucoup travaillé pour arriver ici. C'est ici que je ne voulais pas chanter. Quand je ne savais pas que c'était ta histoire. Parce que je le savais, que c'était ce vieux, que c'était ce vieux, que c'était ce vieux, que ne marche pas, que c'était ce vieux, que ne marche pas. Que les lois qui font, que ça bouge à toi, que c'était loin, que les lois qui savent, qui s'était souviens, qui l'a dit souviens, qui s'était souviens, qui l'a dit souviens, qui s'était souviens. Il a dit ce, sans regarder pas, sans regarder la loi de ça, sans regarder la loi de son mère qui foi, qui n'en dit. In a mass,